Auditeurs et auditrices de la rmiinfo.com, ne vous trompez pas, vous êtes bien sur votre radio préférée, votre radio habituelle. Bien sûr, c'est votre nouvelle émission hip-hop animée par Youssouf Cheidi. L'émission s'appelle Rime Croisée. Rime Croisée a comme concept éduquer, divertir et informer, bien sûr. C'est la radio et votre nouvelle émission. Je vous assure que ça va être chaud. Chaud, comme vous le connaissez, comme vous le savez. Chaud et chaud, je répète bien sûr. J'ai comme invité ce soir Yemi Kouma, auteur de l'album Ridé, qui se traduit en français Nostalgie. Yemi Kouma, bonsoir. Bonsoir Youssouf. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Vous êtes rappeur mauritanien, basé en France depuis 2004. Non, je vais rectifier, depuis 2010. 2010, autant pour moi. Donc là, on va faire une interview, c'est-à-dire on va se baser sur votre parcours. Genre, on va refaire votre parcours, c'est-à-dire de 2004 à 2015, de Sili Babi à Nakshot. Ouais, Nakshot. En passant par Nakshot. Bien sûr. Ouais, en fait, c'est Je vous laisse vous présenter aux auditeurs de la RMI Info qui ne vous connaissent pas. Ouais, ça c'est vrai, ils ne me connaissent pas, surtout en Mauritanie, c'est vrai que je ne suis pas connu. Si je suis un peu connu, c'est dans le milieu soniqué, je ne le cache pas. Mais au niveau national, je ne suis pas connu, donc c'est l'occasion pour moi de me faire connaître aujourd'hui avec votre radio. Et c'est un plaisir de répondre à votre invitation, toi Youssouf, Saïdou, et le photographe et le technicien. Je vous remercie tous de m'inviter là ce soir et de faire la technique, le montage, les photos et tout, c'est un plaisir pour moi et c'est une considération aussi. En fait, comme vous avez dit, c'est vrai que j'ai commencé le rap en 2004 entre Sili Babi et Nakshot. Et après, ça a été très, très, très, très, très, très, très difficile. Comme vous savez, en Mauritanie, quand on étudie, on fait le rap, ça ne peut pas aller ensemble et tout, la famille et tout. Mais on s'est bâti jusqu'à ce que je suis arrivé ici en France. Et là, je continuais. Ça a été la galère. C'est à cause de cette galère, d'ailleurs, que j'ai appelé l'album Ridé. Bon, peut-être qu'on aura le temps dans l'émission de... Là, j'ai juste fait un résumé, vraiment un résumé de tout mon parcours. On aura le temps d'expliquer en parlant. Tout à fait. Nous reviendrons sur l'album Ridé. Donc, en 2004, vous faites votre première scène à la nouvelle maison des jeunes de Sili Babi. C'est bien ça? Ouais, en 2004, en fait, ouais, on était, je peux dire ça, méga, on était entre potes et tout. Je rappais, je ne pouvais pas partir seul, donc j'étais derrière d'autres rappeurs qui étaient à Sili Babi, c'était les grands frères, et d'autres aussi qui étaient étudiants, qui venaient de Rosso, Kaidi. D'ailleurs, c'est eux qui ont amené le rap à Sili Babi, donc on a décidé de faire le 6 juin, je me souviens, en concert à la nouvelle maison des jeunes de Sili Babi. Ouais, c'était le premier. D'accord, là, c'était juste le début oui. de votre carrière. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait de rapper devant un public qui ne vous connaît pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un feedback ou... Le feedback va être difficile parce que le public ne vous connaît pas. Ouais, bon, là, ce jour-là, ce n'était pas le cas parce que quand même, Sili Babi, c'est une ville, c'est que presque tout le monde ne se connaît pas, mais je peux dire aussi quand même que les jeunes, on se connaît tous. Donc, ce jour-là, toutes les personnes qui étaient dans la salle me connaissaient, ça va. Mais cette question, peut-être que vous pourrez me poser ça à Nakshot, comment ça fait, mais à Sili Babi, ça ne faisait pas ça. Tout le monde me connaissait déjà. Donc, c'était ça, c'est bien passé. D'accord. Et la même année, en fait, en 2004, il y a eu la création de la radio Jeunesse à Nakshot. Donc, et là, vous faites connaître à travers le public nakshotois grâce à cette radio. Ouais, effectivement. Quelles étaient vos impressions? Ouais, effectivement, voilà, j'étais là. Je faisais le rap, bon, ça ne durait pas en fait, ça n'a pas beaucoup duré entre ma première maquette et voilà, et arriver à la radio, ça n'a pas été très long. Donc voilà, donc j'étais là dans le ghetto 5e surtout, j'ai quitté Sili Babi en ce moment, j'étais dans le ghetto 5e, ça galérait, ça faisait les maquettes. Mais comme vous savez tous, il y avait les rappeurs là-bas comme Diamanteki, comme Habobé Bassal, tous ces rappeurs-là étaient connus, mais bon, moi je venais de la région, je ne les connaissais pas, donc pour passer dans les concerts, c'était tout à fait un problème. Bon, c'est pas par méchanceté, parce que dans toutes choses, il faut avoir les relations, en fait. Parce qu'on se connaissait pas, donc c'était normal. Et donc, un jour, un moment, la radio Jeunesse est ouverte, et donc, il y a une émission Soninke, animée par Djadje Samba Kamara, presque tout le monde le connaît là-bas en Mauritanie. Mm-hmm. Et donc, j'ai appris qu'il cherchait des rappeurs et tout. Et donc, comme j'avais une maquette et tout, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé, il m'a dit, ouais, tu passes à la radio. Et je suis passé passait, je lui passais le son. Et en fait, les Soninkés ne connaissaient pas à grand masse le rap. Soninkés comme ça, ils n'ont jamais entendu ça comme ça. Beaucoup de monde à la fois. D'accord. Et donc, mais est-ce que c'est facile de s'imposer? C'est-à-dire, vous venez de Seilbaby, vous arrivez à Nouakchott. Il y a des ténors, bien sûr. Vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure. Est-ce qu'il est facile de s'imposer? Non, il n'est pas du tout. C'est ça que j'ai dit au début. Déjà, eux, ils connaissent le métier mieux que toi. Ils connaissent la ville mieux que toi. Ils ont des relations mieux que toi. Ils ont un public plus que toi. Donc, ce n'est pas facile et ils ne te connaissent pas. Et toujours, c'est comme ça. Parce que quand on est rappeur, on est connu, on peut dire quand même, eux, c'est des stars de la place, qu'on veuille ou pas. Là-bas, en Mauritanie, c'est des stars. Donc, quand les petits arrivent, on ne peut pas les accéder comme ça facilement. Ils ont aussi une certaine ancienneté. Oui, voilà, ancienneté. Donc, ça n'a pas vraiment été facile. Exemple, c'est des gens qui ont commencé avant beaucoup avant. Et du coup, ça ne passe pas facilement. Oui, ça ne passe pas facilement. Ça n'a pas passé. Mais bon, comme ça, moi aussi, je n'ai pas lâché. J'étais de mon côté. Je rappais. J'essayais de courir des fois derrière les concerts. Des fois, on me disait, tu payes le concert. Après, tu vas chanter. Je payais mon billet. Je rentrais. Mais voilà, je ne chantais pas. Après, je partais. J'avais la rage, mais je me dis non, mais bon, je vais continuer encore parce que si j'arrête, attends, il faut que je chante devant un public quand même. Parce que voilà, même si aujourd'hui ils m'entraînaient, demain aussi il faut que je cours, c'est mon intérêt pour me faire connaître. Ça vaut tout, d'accord. Et par la suite, vous arrivez à faire contact en fait avec les gars. C'était comment le début? Moi, je peux dire que. Je peux remercier Monza, en fait. En fait, ça a débuté quand même par Monza parce que déjà, on était en 2004. En 2004, je commençais à rapper. Bon, comme on est rappeur, on est débutant, on est un peu orgueilleux, on calcule pas la grandeur de certaines choses. En fait, je voulais participer. En 2007, je voulais coûte que coûte jouer au Centre culturel français, alors que dans ma vie, j'ai jamais joué un concert en live de 10 minutes. Et j'avais je sais pas, deux ou trois maquettes. Et comme tous les grands passaient au CCF, et moi aussi, je me suis dit que je vais passer au CCF. En fait, comme il y avait... Avec deux maquettes? Ouais, voilà. Avec deux, parce que vous savez qu'à Mauritanie, on est tous comme ça. En fait, on n'a pas le talent, on n'a pas les moyens, mais on voit ce que les autres font. On ne regarde pas les autres. Ils l'ont fait pendant plusieurs années. En fait, par exemple, quand tu vois à ce moment Monza, il a 10 ans de carrière, 15 ans, toi qui viens de commencer, tu veux faire la même chose que lui, tu ne veux pas attendre de faire toi aussi 10 ans, en fait, de passer des étapes, mais on veut sauter des étapes, en fait. Donc, cela a été quand même un échec un peu, parce que ce concert, c'est comme ça, en fait, que j'ai connu Monza un peu. À travers ce concert et certains rappeurs, ils m'ont vu jouer au CCF, mais ce n'était pas, franchement, je ne vais pas mentir, ce concert a été un échec, mais j'ai appris beaucoup de choses par rapport à cet échec-là. Et c'est là que Monza m'a vu. Et la première fois où il m'appelait, c'était de me dire il y avait une chanson qu'on faisait, que le ministère de la Santé faisait, c'était de balayer la poubelle autour de la plage. Et c'est de là, Monza, de nettoyer les bords de la plage. C'était une campagne de sensibilisation. Et donc, Monza, c'est là qu'il m'a appelé. Et il m'a proposé cette chanson en sonique. Et je fais un truc avec lui. Et c'est de là que c'est parti. On apprend de ces échecs, c'est sûr. Voilà, donc voilà. Là, on va faire une pause. On va s'écouter un morceau. Le morceau qu'on écoutera, c'est plus de force de Rimka. Je tenais à le big up parce que normalement, je fais passer que des sons de mon invité. Oui. Mais comme là, Rimka, il a eu, je sais pas comment appeler ça, mais de la considération envers nous, il m'a envoyé le son. Donc, je lui fais un big up. Tout à fait, c'est Rimka Tudré. Exact. Ah, c'est un bon mec. De toute façon, c'est tous des frères. C'est un bon mec, lui, il est hyper. Donc voilà, c'est parti. Plus de force, Rimka Tetri. Big up. Dale. Radio Mauritanie Internationale RMIinfo.com, Rim Croisé Youssouf Chedi au mic en compagnie de Yimbin Kouma aka Jaspi Kouma. Yes sir, nous continuons notre interview. Donc là on va évoluer en 2006. Donc en 2006 vous faites votre première apparition à la télévision nationale dans l'émission Soninké. Malgré tout, vous continuez, vous, quand je dis vous, je parle de Yimbin Kouma et vos frères d'armes, vous continuez quand même à vous plaindre du fait que vos clips ne passent pas à la télé. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine incohérence dans vos discours? Non, en fait, il n'y a pas d'incohérence. En fait, à ce moment-là, on était des jeunes, on voulait passer coûte que coûte à la télé. Donc, à la télé, ce n'était pas des émissions n'importe, c'était des émissions soniquées. Donc, je me souvenais dans cette émission, mes chansons qui étaient un peu révolutionnaires. C'était pas qui dénonçaient les trucs de l'État, qu'ils étaient plus importants. Ce n'est pas ces morceaux qui étaient choisis. Ils ont choisi, eux, ce qu'ils voulaient. Donc, en fait, j'étais là, ils avaient des caméras. Ils me filmaient, ce n'est pas des clips. Ils avaient des caméras, ils me disaient, dis ça. Et comme moi, je voulais sortir à la télé, je voulais me faire connaître, j'étais débutant, j'acceptais ce qu'ils voulaient. Donc, ce n'est pas une contradiction. Si on dit qu'on ne sort pas, c'est que nous, on veut. C'est qu'on veut, les thèmes qu'on veut dire, c'est ces thèmes-là qu'ils ne vont pas accepter qu'on dise. C'est ça le problème. Mais par exemple, si c'est dire n'importe quoi, voilà, des choses, on ne touche pas vraiment ce qu'on veut, ce que la population veut entendre, là, il n'y a pas de souci, ça peut passer. Ok, je suis un peu réticent par rapport à ce que vous dites. En fait, je vais préciser la question, est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté de votre part? En fait, vous avez parlé de vous faire connaître. À travers la télé, ouais. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté de votre part à proposer des choses qui sont inadéquates par rapport à la télé? Non, je n'ai pas bien compris la question, franchement. Je n'ai pas bien. Ouais, tu l'as bien dit, mais je n'ai pas bien est-ce compris. Que, je dis, est-ce qu'il n'y a pas un manque, un manque de volonté de votre part à proposer quelque chose d'autre qui n'est pas qu'un discours contestataire? Non. Pour pouvoir contourner la censure. En fait, vous avez dit que. Ils sont là devant vous avec leur caméra avec leur à vous dire caméra. Dites ceci et dites cela. C'est-à-dire que quand vous dites des choses un peu dérangeantes, vous êtes censuré. Oui. En fait, dites ceci, dites cela, c'est pas en fait une doute. Par exemple, dans nos chansons, ils ont les morceaux. T'as quel morceau, t'as tel morceau, t'as tel morceau. Donc, nous voulons tel et tel et tel morceau. Donc, on était obligé d'enregistrer ces morceaux. Je vous dis, par exemple, une petite anecdote. Le moment où Aziz avait fait le coup d'État en 2008, on était invité à la télé pour les mêmes enregistrements. En fait, on était venu en ce moment, les Mauritaniens n'avaient pas envie d'entendre parler de reggae ou de danser en soninké ou bien d'autres choses. Tout ce que les Mauritaniens, à ce moment, avaient envie, c'est l'avenir de la Mauritanie. Et pourtant, ce jour-là, on avait voulu parler de l'avenir de la Mauritanie. Mais ils n'ont pas accepté, on était obligé de partir et on n'a pas fait ces arrestements-là. Mais là, je vous ai dit, c'était le début, on avait envie de sortir à la télé pour la première fois. Donc, pour tout prix, j'allais sortir. Mais ça, c'est vrai qu'en Mauritanie, on le sait tous. Donc, sortir à la télé pour sortir. Ouais, là, ben, des fois, il faut ça. Des fois, il faut ça pour se faire connaître. D'accord. Et dans ce cas, est-ce qu'il faudrait pas, comme je dis, est-ce qu'il faudrait pas changer de discours, sachant que vous voulez passer à la télé et vous arrivez avec un discours, comme vous dites, dans le langage hardcore. Donc, vous savez vous-même d'emblée que c'est pas possible. Donc, à quoi ça sert dans ce cas de faire le pas ou d'aller vers la télé, coûte que coûte. Oui, mais c'est tout à fait normal. En fait, un artiste. C'est ce qui est bien. Normalement, un artiste, c'est quand il vient avec des thèmes qu'on laisse tout passer. On ne devait pas censurer ça, de faire ce qui les arrange, de les faire passer, et de ce qui ne les arrange pas, et on ne les fait pas passer. Donc, je suis un peu confus dans ta question. Donc, la télévision ne devait pas faire ça. Nous, les artistes, ce qu'on veut, on veut la liberté. Par exemple, je peux dire, par exemple, dans beaucoup de pays, l'artiste, quand il est invité, il dit tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Mais si maintenant il s'agit que d'amener ce qu'eux ils vont, ce qu'eux ils veulent, cela veut dire que ce n'est pas la liberté d'expression. Oui, mais par rapport à ce que vous dites, moi je prends juste l'exemple du Sénégal en fait. Ouais. Quelqu'un comme Simon, ouais. qui est considéré comme un engagé, ouais. Vous le savez, mieux que moi. Ouais. Par exemple, Simon. Non, pas mieux que vous, mais je connais aussi. Simon, il passe à la télé. Ouais. Il a le même discours. En fait, il arrive à faire. Comme il a une double casquette d'activiste et de rappeur, donc souvent quand il passe à la télé, il essaye de garder la bonne casquette. Ouais. Après, moi je me souviens d'un de ses concerts où il y avait le ministre même de la Culture. Ouais. Ce qu'on ne peut pas avoir en Mauritanie. Ouais. C'est de ça en fait que je parle. Oui, mais en fait, moi j'ai fait ça. Moi j'étais invité à la radio Mauritanie plus de 15 fois avant de venir en France, à la télé Mauritanie plus de 5-6 fois. Mais c'est ça que je faisais. Je n'ai jamais dénoncé à la télé. On ne peut même pas. C'est impossible de dénoncer. J'étais à la radio, je ne peux pas dénoncer. Mais en fait, il y a pas, on n'a pas un discours seulement qui est de dénoncer. On a autre chose dans la société aussi qu'on dise. Donc, c'est intéressant aussi pour les gens de savoir si on a des maladies à dire, comme ce qu'on avait fait avec Monza. C'est des sensibilisations. On a d'autres problèmes dans la communauté, dans la société, qui ne touchent pas à la politique. Donc, si nos discours, des fois, ça dérange les politiques, c'est eux qui maîtrisent les télés, donc des fois on peut contourner comme que tu viens de dire que c'est ce que Simon fait, on fait la même chose, c'est ce que je fais durant tout le moment où j'étais en Mauritanie. Je n'ai jamais dénoncé à la télé et à la radio. D'accord, là on était en 2006, donc on va évoluer vers 2007. Donc en 2007 vous produisez sur la scène de l'Institut français qui s'appelait à l'époque CCF, Centre culturel français pour les puristes. Là vous êtes en face d'un public averti, c'est-à-dire un public connaisseur. Vous misez sur quoi pour que le public vous accepte? C'est ça que tout à l'heure que j'ai dit. En fait, j'avais la confiance en moi et surtout, c'était l'orgueil, c'était quoi? Surtout, vous savez que ça, c'est un problème de tous les rappeurs mauritaniens, en fait. On veut que les gens disent que j'étais là. J'étais au CCF, j'ai joué ici, je veux faire ça. Même si on n'a pas le niveau, c'est ça qu'on avait. Moi, j'étais porté par ça. Et quand même, je peux dire que j'étais quand même courageux. Parce que, courageux quoi, j'étais un exemple quand même. Par exemple, il y a beaucoup de rappeurs, moi j'étais au 5e, qui ne savaient même pas comment partir au CCF. Certains, ils ne partaient même pas. Ils ne savent pas faire les démarches. Les démarches. Et certains disaient que Monza cale tout le monde. Non, c'est pas. Monza. Ouais. Alors que Monza n'a jamais... Monza ne me connaissait pas à l'époque. Il n'a même pas ce pouvoir. Voilà. Il est qui il n'a... Mais pourtant, c'est ça qui se dit dans les banlieues. Monza cale les gens. Monza empêche des gens de chanter. Et moi, Monza ne me connaissait pas. Et pourtant, je suis venu. Je chantais, mais je n'ai pas assuré. D'accord. Mais ça m'a beaucoup appris. D'accord. Donc là, et c'est facile de maintenir un public. Oui, jusqu'à c'était... la fin d'un concert, c'est-à-dire oui. Y a une foule devant vous. Oui, comme vous avez dit, c'était, c'est pas en foule qui était comme des foules comme ça, c'était en foule connaisseur. Donc voilà, donc c'est pourquoi je dis que ces jours-là, je ne le cache pas, je n'ai pas été à la hauteur de ce concert. D'accord. On se fait une petite pause, on va écouter le morceau Ridé, le titre de l'album, Nostalgie. Rime croisée sur rmiinfo.com au cœur du hip-hop montréalais. Yeah, yembe kuma fai fai. Soninka lomunya fonike. Khaterinka. Yeah, kahidem fai kinkerni. Yeah. Aha. Yo, umu dhabate. Madim Faba, Khakizem Fakim Kerni, Gelda Lido Sasa, Sino Filido Fora, Harbisa Fim Bogot Yahe, Adningel Finikusima Mohobe, Jahanu Kundumfe, Kakakundim Famo, Hartel Fonande, Hayan Heme, Lokake Suna Masla, Harkota Bane, Hamfi Waringa, Kendim Bute Hoto Kara Yogo, Kenyani Gomkore, Handa Sale, Handa Sume, Hanadua Mutoda, Bauno Ku, Olanta Fokita, Gandangin Haya, Olanta Fohana. Gang kod khaya ngena timma ma tutu do ma habe ndaxu ya nyokondi yo ko xono mumugo do bane su khaya ni nyonki bonda bane kila aw waga din kita alla ganna kise do tangé nyongo danga alla ganna wido yonki saha nyongo danga yo mumugo din ko xone demba alla ganna jati bina annabi alla ganna bana saxu no ndanga yo nyane jimbe kuma nga fransi xotan ko khada franci xote nyane ngam ken ko khada ndi gare nyako yeah il faut qu'on a ken tu ndi khaya jie khaki dem fakin kerni nay ta khu no kusu fa ke simen do khabate khaki dem fakin kerni nkerni fansini ku khaki dem fakin kerni nay ta khu no kusu fa ke simen do khabate ngom kore na fo kita ga khata la so ndini wurontey kiyente fa ke murundini gatchi mo khawore khanda ta khu no kusu khafa ke to khon kama khagom kore nari nasi khakane ngara ben khada gel suba ma lele ke khagom kore khanari sigin kale khada so khone da gel suba ma lele alla ya do sondo molome aga no daland dome yo menjangu koni khadim famu gel na li do sasa har ler bane ma golli tiken khasre timakha agin kun gode nga khirdini kara yo ngi fi bane ko ngi khada nga khamulla ma kale kiyem dangi ngam simel khabate ma karan ke wore ngam khakh baru tirende yo franci khota nam ko kutu bakme khafini ngana no kota so kenti khak kumpana kenti khak kumpana yo yere khote nyani franci khote nyani franci khote nyani te yo ha franci khote nyani kenyani ngir ke message kay kat khaya khadim famu nga khamulla ma kale khaki dem fakin kerni dray ta khu no kusu fa ke simen do khabate khaki dem fakin kerni nkerni yo ndike morso kini yo moritani dama Mali, Senegal, Gambie, yo, Gidi Maha, Selibabi, Noak Shot, Bakel, yo, Noadi Bou, Rosso, yeah, yo, Mfakerini Sasa, Mumungu de Khabate. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur rmiinfo.com. Youssouf Cheidi au mic, en compagnie de Yimbi Kouma, a.k.a. Jaspi Kouma. Yes, sir. Donc là, on va évoluer vers nous sommes en 2008, c'est ça, avec Lise Anne-Marie. Ensemble, vous organisez un concert sous le thème de Fête de l'amitié, de la fraternité et de la solidarité. Et vous partagez la scène avec plusieurs rappeurs. Peux-tu nous parler d'elle, de Lise Anne-Marie En fait, Lise Anne-Marie, c'est une Française qui habite à Boulogne-sur-Mer. On s'est connus sur un site de poèmes. C'est quelqu'un, on partageait les mêmes valeurs en fait. C'était quelqu'un qui luttait contre les discriminations, contre l'injustice et tout. Et donc, voilà. Donc, dans ses poèmes, je voyais dénoncer ça. Et comme moi aussi, dans mes poèmes, c'était des poèmes à l'époque qu'on écrivait. C'était pas des textes ou autre chose. Donc, tu t'exprimais pas, à travers des poèmes. Donc, c'est comme ça. Donc, on a pris contact. Elle m'a montré tout ce qu'elle faisait et tout. Et moi aussi. Donc, elle a dit que moi, je vais faire une fête pour la faire connaître, pour que ça soit fait comme, par exemple, la fête de la musique a été commencée par 2-3 personnes. Maintenant, c'est chanté partout dans le monde. Donc, est-ce que toi, tu pourrais l'organiser dans ton pays? Si même tu n'as pas les moyens, moi, je donnerais des moyens financièrement. Et c'est comme ça. Donc, on a décidé d'organiser cette fête en Mauritanie en 2008. J'ai invité presque tous les rappeurs. Il y a certains qui ne sont pas venus et il y a d'autres qui sont venus. D'accord. L'objectif de cette initiative, c'était, je cite, de faire passer un message d'engagement pour l'égalité entre les hommes, quelles que soient leurs origines, leur milieu social ou leur contenu ou leur couleur de peau, autant voilà, pour moi. Voilà, exactement. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Vous avez tout dit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cet événement? Oui, à la suite, en fait, c'est elle s'est battue, elle est partie voir Jamel Debbouze pour... avoir son soutien, ça n'a pas été facile. Elle a vu d'autres personnes. Au début, c'était bien parti. Moi, je l'ai fait en Mauritanie. Il y a une autre personne qui l'a fait au Burkina Faso. Il y a un autre qui l'a fait en Algérie. Et ici, en France, elle l'a fait pendant 2 ans. Mais comme il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, elle s'est battue. Tous les soutiens qu'elle avait, qu'elle espérait, ne répondait pas. Je pense, elle a laissé tomber. Est-ce que vous êtes le seul avec qui elle a collaboré? Non. Ou il y a eu d'autres? Oui, je vous ai dit qu'en Algérie, au Sénégal même, mais non, bon, au Sénégal, en Mauritanie, Oui, en Mauritanie, c'était moi. Vous êtes le seul? Je suis le seul. Ouais. D'accord. En 2009, vous continuez votre bout de chemin. Cette fois-ci, vous retournez à Guidimara pour y faire une tournée qui a eu du succès. Quels ont été les moments forts de cette tournée? Ah, c'était des moments inoubliables parce que moi, j'étais à Nouakchott. Je pensais pas que mes chansons étaient écoutées dans la région là-bas. Je savais que j'étais écouté un peu. Mais arrivé là-bas, après un jour, d'ailleurs, j'avais pas les moyens, je galérais à Nouakchott. Je venais juste de faire le bac. Les résultats ne sont même pas sortis. Donc, j'étais là, je galérais, je demandais à Lise est-ce qu'elle pouvait m'envoyer un peu de sous pour aller en tournée. Elle a accepté, elle m'envoie de l'argent. Et vite fait, je suis parti au CID pour faire mes tournées. Et franchement, à chaque village que j'arrive, c'est ce village qui répond plus que l'autre encore. Dans mes comptes, je n'ai jamais eu ça. En fait, quand on chante, il y a un moment, les gens s'arrêtent de rentrer. Mais là, jusqu'au dernier morceau, les gens y rentrent. Dans tous les concerts que j'ai fait. Et franchement, c'était inoubliable, quoi. Et là, vous dites que vous avez un public, en fait, public qui est plutôt dans votre communauté, qui est la communauté soninké, et qui entend, qui aime ce que je dis, et voilà. Exact, parce qu'ils comprennent le message que je veux faire passer. Et presque, avant moi, il n'y a personne qui touchait ces problèmes-là. Et quelle était leur attente? Le public, en fait, à partir du moment où ils commençaient à consommer votre musique. Bah, leur attente, c'est que je progresse, j'aille plus loin, que je continue à dénoncer tout ce que je dénonce jusqu'à aujourd'hui. D'accord. En 2010, vous participez au festival Assalamu Alaikum. Que représente pour vous ce festival? En fait, c'était énorme. En fait... comme je vous avais parlé, c'est à cause du concert que j'avais fait au Centre culturel français que j'ai connu Monza. Et après, il m'appelait pour faire un duo avec lui. Et je le dis encore, comme à chaque fois, comme je dis au début, que je relâche pas. À chaque fois, même si ça marche pas, j'essaye de continuer. En fait, en 2007, le premier festival, je sais pas, c'est 2007 ou 2008, Monza m'avait promis que je vais chanter. Mais en fait, en Mauritanie, il y a 300 groupes, tout le monde peut pas passer. Et finalement, j'ai pas été parmi les rappeurs qui étaient retenus. D'accord. Donc, j'ai tenté en 2008... venu voir Monza, courir derrière lui, il faut que je passe, ça n'a pas marché. En 2009, ça n'a pas marché. Mais là, cette fois-ci, en 2008, en 2010... Est-ce que ce n'est pas à cause de votre, ou à cause de votre affinité, oui. ou grâce à votre affinité, que vous avez pu participer au festival? Oui, d'un côté, je dirais ça aussi. D'un côté, je peux dire ça aussi, mais voilà. Mais ce que je voulais dire, de ce côté-là, toujours, les gens qui... Je lance toujours, je profite pour lancer un message aux rappeurs qui ne veulent... Un appel. Oui, ouais. un message surtout aux rappeurs qui ne veulent pas aller jusqu'au bout. Et les rappeurs qui sont là, qui râlent derrière. Cela veut dire que pour moi, en tant qu'artiste, quand je veux aller quelque part, rien ne m'empêchera, rien ne m'empêchera d'y arriver, même si je ne sais pas où mec. C'est pas comment s'appelle la montagne la plus longue au monde là, c'est Kilimandjaro quoi. Alors on met ça devant moi, pour moi je presserai pour partir parce que je sais que c'est mon intérêt. Donc arrivé à ce festival, beaucoup de gens, comme je peux dire même son nom, je sais pas si votre radio nous permet, comme il y avait un mec qui a enregistré, qui s'appelle DJ Dev, qui a enregistré Dev de qui, 118 ou 308, non 308. Il était avec Thomas. Comme ouais. lui, il était là. Le moment où j'ai eu mon concert au CCF, il disait à mes potes rappeurs, il n'arrivera pas parce qu'il connaissait mon niveau. Et là aussi, il a misé la même chose, que j'arriverai pas parce qu'en 2007, il avait misé que je ne vais pas y arriver. Et il a dit que ça sera la même chose parce qu'il y a une distance entre moi et lui, on se voyait comme pas. Comme quoi que tu ne feras pas une longue carrière. Oui, voilà, il ne croyait pas. Mais en fait, ce jour, moi... Sur quoi il se base en fait pour... Parce qu'il croit que je ne travaille pas, que je n'ai pas le niveau et tout. Et bien, alors que moi, je me suis mis à travailler. Comme il y avait l'échec de 2007, il y avait aussi, mais dans le rap, il y a des rivaux qui parlent. Ouais, il a eu un concert au CSF, il n'a pas pu assurer. Moi, cela ne m'a pas fait... m'a pas détruit en fait, mais moi, au lieu que les gens ils parlent comme ça, le moment où les gens parlaient comme ça, ça ne m'a pas affaibli en fait, ça m'a donné la force encore de plus travailler pour leur montrer que je peux arriver. Parce que la dernière fois-ci, je ne suis pas arrivé, non seulement c'est pas parce que je n'ai pas le niveau, mais j'étais juste débutant, mais là cette fois-ci, je vais essayer de remonter le niveau. Et ce jour-là, je peux vous dire, le jour où on a joué ce concert-là avec la fête de la... comment on appelle ça encore? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, festival. C'était au top, quoi. Ouais. Franchement, On va remonter le niveau, hein. Ouais. On va remonter le niveau. Là-bas, le niveau. En s'écoutant un troisième extrait de votre album. Ouais. Le titre, c'est Corruption. Let's go. Bako vocabulaire kankota logo ni gel election ni gemri ni card lecteur ni gaga bito fili wal bito sikia khat jonko election ni kota diga men tekhi maha hal poti se jugo hendu kal kombio mabe mat haidar be madani ko be feno be garanto nyani nambranto nyani kobe fenobe politiciens kunti men tardini men selection ad batima benate galleji men hepun treobe nayebe penale mon gasta bandra pinen pan men hal politiciens ke hendu kal election presidentielle maire wal député comme un premier souti comme un halulaji te haydar men jiani macho gumbur usté macho gundiam usté macho électricité bc Haidar Minjani Kobesi. Inarodo Kani Mbate, Igo Gotno, Igo Nene, Iga Halsin Konoya. Election in a Dangi, on Tehiwala, Adnido Jikelo Kuveni, Nyongoda Urdukwe, Kon Mare me Fami. Halpoti Sejiku Hendu, Kalkombino Mare Mat, Haidar be madani ko fenobe garanto nyani nambaranto nyani har potisejo ko hendu kal ko mbiyo mabbe ma Haidar be madani ko fenobe garanto nyani nambaranto nyani o tampie agitril sou beni go mar katke falka damma sunti gardo folie falle il miskino kapchel kane igam kori banan tok duna kelunge ntanda serang nya sere so nya tanga nya sere ikun simen do ke mbatte wala na digi kani ku ani moti ganyal mu xobe bane fina dantar nyok bane kamay danga yigene ga waxti na dangang sakka bane ante lamour de no xonya ka ke fak nga ni compte ante wul ni jono mare me election nga na ri makan carte ko parti sou ani mena fay kebe ga ge manga na wata ante lecteur nya na digan xane sere sou na makan nene sere sou na makan ko toti khalsi keng fe aguma ni len katan ni meya hal poti sedi ko hendu kal ko mino mabe mat Haidar be madani ko fenobe garanto nyani nambaranto nyani har poti sedi ko hendu kal ko mino mabe mat Haidar be madani ko fenobe garanto nyani nambaranto nyani wesh wesh yo de retour de Sijo. C'est toujours Radio Mauritanie Internationale, Rime Croisée sur rmiinfo.com. Youssouf Cheidi au mic en compagnie de Yimbi Kouma, je l'ai dit toujours, a.k.a. Jaspi Kouma. Donc là, on va aller en 2014, il me semble. De 2010 à 2014, c'est-à-dire il y a un bond. Après vous... En 2014, après 4 ans d'exil, vous revenez au Berkay pour assister au Festival International Soninké qui aura lieu du 20 au 24 février à Nouakchott. Il y a eu une rupture avec votre public. Ouais. Quelle a été votre première impression, le fait de rapper devant ce nouveau public? Ouais, ça c'est la vérité. Je vais un peu revenir en arrière parce qu'on avait écouté l'album, le morceau Ride que j'ai pas expliqué. Après, je vais revenir jusqu'au festival. En fait, ça a été très difficile parce que imaginez, en fait, vous étiez là en Mauritanie, vous vous sentez, vous étiez au bas, vous remontez. Un jour, brusquement, vous sortez dans ça et vous partez en France, vous venez ici. Et là, du coup, comme tu viens de dire, c'est coupé parce qu'ils n'entendent plus parler de toi. Ils entendent parler de toi, mais tes anciens morceaux étaient là. Et toi qui es là en tant qu'artiste, tu étais là dans le milieu et tout avec les gens qui t'écoutaient, mais tout à coup, tu ne peux pas aller, en fait, tu es là. Et là, ça m'a fait beaucoup de problèmes parce que je suis là en France, je suis arrivé, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de travail et tout. Donc ça jouait beaucoup sur moi. Je me disais, attends, moi, je vais faire 10 ans. Donc, attends, moi, je vais être comme Bamba Diffal qui cartonnait après. Comme ça, ils sont sortis un peu, ils sont venus en Europe, ils sont éteints. Moi, je vais être comme... J'ai pensé comme ça, en fait. Et vous vous dites que c'est fini. Donc je n'ai pas dit que c'est fini, mais j'ai dit que si je ne fais pas quelque chose, ça va finir. Donc, et moi, je n'ai pas envie. La manière dont je commençais, je veux continuer. J'ai envie de continuer. Je sais que c'est très, très difficile. J'ai envie de continuer. Donc, je suis resté 2 ans au calme. J'étais en France. Je partais, j'assistais dans les concerts, mais je n'ai jamais joué. Parce que des fois, je n'ai pas l'argent pour faire une maquette. Je n'ai pas l'argent, des fois, pour prendre les transports et tout. Comme les sons, vous avez vu dans l'album, il y a beaucoup de phases B et tout. Donc, je ne peux pas composer. Même tous les sons qui sont phase A qui sont dans l'album, c'est des sons qui sont composés par Garnet Lowe en Mauritanie, qui est le compositeur de Advice et tout. Ouais. Voilà, donc qui était quelqu'un que je connais. Je pouvais prendre ses instrumentales sans lui donner de l'argent. Il m'en donnait aussi. Il était hyper sympa avec moi. Donc, c'est ses sons qui sont dans l'album aussi. Donc, c'était comme... En fait, donc c'était ça. Donc, c'est à cause de la galère comme ça jusqu'en 2013... Je commençais à enregistrer. J'ai enregistré Ride. Donc, le jour où je partais pour enregistrer Ride, j'avais pas du tout confiance en moi. En fait, j'étais perdu. J'avais le texte, j'avais l'instrumental. J'étais perdu. Je me suis dit, est-ce que je pourrais revenir encore? Donc, j'étais là avec ma femme. J'étais un peu stressé. J'ai dit, est-ce que je peux? Ça sera un test. Est-ce que si je fais cette morceau, est-ce que ça va réussir? Est-ce que même la voix que j'avais, est-ce que ça va revenir et tout? Donc, j'avais un doute. Ouais. Donc, j'ai fait la musique, je l'ai gardée pendant 2 mois. Après, je l'ai sortie. J'ai fait un autre, ainsi de suite, un autre. Et après, je suis retourné. Là, je vais répondre à ta question au Festival Soninké. Au Festival Soninké, en fait, je n'étais pas parti directement pour le festival, en fait. J'étais parti parce que c'était 4 ans. 4 ans, j'étais en France. 3 ans, du moins. J'étais en France, je n'ai pas vu la famille et tout. Donc, je suis parti voir ma famille. Et c'est tombé avec le Festival Soninké. D'accord. Et, Je suis parti pour rejoindre mon public. Et franchement, je n'étais pas surpris ce soir-là. Ok, j'ai parlé de votre public, mais il y a, de l'autre côté, il y a vos frères d'armes, en fait, les rappeurs. Comment vous ont-ils accueilli, c'est-à-dire après ces 4 ans d'absence? Oui, moi, en tout cas, ça a été un plaisir parce que ça, c'était des rappeurs, même certains, je ne partageais rien avec eux. D'autres, on avait des petits soucis comme entre rappeurs et d'autres que je ne connaissais même pas et d'autres que je connaissais. Mais lorsque je suis parti, franchement, tout le monde était soudé, on était tous ensemble, on se soutenait. On a fait une réunion, tout le monde était là, on a parlé, on souriait, on partageait tout. Et franchement aussi, c'était ça. Comme je n'étais pas là avant, c'était moi. Mais lorsque je n'étais pas là, le hip-hop, il n'est pas mort. Il y a eu tellement d'autres personnes qui ont imposé et je suis content pour eux aussi. D'accord. Avril 2004, vous sortez enfin Ridé. Ridé sort en avril 2004, avril 2014. Ouais. Comme je l'avais dit au début de l'émission, Ridé qui signifie en français nostalgie. L'album vous a ouvert de grandes portes. Nous y reviendrons plus tard. De quoi êtes-vous nostalgique? Ben, nostalgique avant tout de tes proches, de tes parents, comme je dis, mon père, ma mère, mes soeurs et frères, la famille, après, voilà, la famille, les oncles, les tantes et tous les gens avec qui tu partageais depuis quel temps, comme je viens de le dire, tu les as quittés, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, parce que tu es parti, tu es venu, tu vois, à côté de toi, moi j'étais dans un foyer qui s'appelait Marc Séguin dans le 18e, dans le foyer je voyais des gens qui me disaient que moi je fais là 18 ans, je n'ai pas de papier, je fais 20 ans, je fais 10 ans, et toi tu es à côté, tu viens d'arriver en fait. Donc tout ça, donc, ça te manque l'Afrique, tu te dis, attends, moi l'Afrique, lorsque j'étais en Afrique, on me disait qu'en France, c'était pas ça, c'est le paradis et tout. Moi, comment je sais que la France, c'est pas le paradis? C'est je quittais Lyon pour venir. Après, ma tante est venue me récupérer au Gare de Lyon. Je lui ai dit que moi, demain, je vais aller chercher du boulot. J'étais au sérieux. Il me dit, mais comment tu peux chercher du t'as pas de papier? J'ai dit, mais attends, si t'as pas de papier, tu peux pas aller en Afrique, mais tu peux travailler. Elle me dit, non, si t'as pas de papier, tu peux pas travailler. Et là, j'étais abattu pour moi. Parce que moi, je croyais que demain, je peux commencer à travailler. En tant qu'artistiquement, mais pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Vous êtes artiste. Ouais. Vous n'êtes pas quelqu'un de sans emploi. En fait, en Mauritanie, ouais. je veux dire, vous êtes artiste, vous avez une carrière que vous devez mener. Pourquoi le choix de l'Eldorado, c'est jeter dans la gueule de loup, si j'ose dire, vous retrouvez sans papier et de l'autre côté, sachant que vous, il y a la musique, le rap à côté. Ben oui, en fait, le rap, on le sait tous. On le sait tous parce qu'en Mauritanie, le rap, ça ne nous nourrit pas. En fait, c'est nous qui nourrissons le rap. On est barré partout. L'État qui est là, qui n'aide pas. Les sponsors, ils n'aident pas. Personne d'aide. La famille même ne t'aide pas. Et vous pensez que le rap français va vous nourrir? Voilà. C'est-à-dire en venant en France, étant même sans papier. Oui, sans papier, ça allait m'ouvrir des portes. Je pourrais peut-être... Pour moi, je pensais que c'était possible d'aller voir Booba même face à face. Peut-être qu'on avait des illusions, on ne sait pas. Quand on arrive, on va travailler, on va gagner de l'argent. Voilà, on avait ça dans la tête. Mais c'est quand on arrive ici qu'on affronte la réalité. Et cette réalité, je l'ai affrontée. Et vos aînés dans tout ça, c'est-à-dire les rappeurs mauritaniens qui étaient tels que Biobi, est-ce que vous n'auriez pas dû, c'est-à-dire avant de venir, vous n'auriez pas dû les consulter ou... Eh ben moi je vous n'êtes pas un aventurier, je veux dire. Vous êtes un artiste. Oui, moi, c'est pas de les griller ou autre chose, mais je sais que Biobi, lorsqu'ils sont venus en France, je les respecte. D'autre part, c'est des grands frères, je les respecte, surtout Ousmane, on est amis sur Facebook. Voilà, je les respecte. Mais en fait, eux, quand même, ils nous ont pas montré que l'image, qu'ici, c'était la galère, parce qu'ils nous parlent de fils à papa, ils nous montrent des choses. Voilà, Biobi nous ont pas parlé la vérité. Et même le cas de Big Jazz aussi, j'ai un grand respect pour lui. Big Jazz, il est venu une semaine, il a fait un clip. Si tu vois le clip, tout le monde en parlait à Nouakchott. Donc, ce qu'il nous montrait, nous, il nous montrait des choses qui nous donnent aussi envie de venir. Ils sont pas partis de la même façon, que de la même manière que vous. Il faut se poser cette question oui, aussi. Non, mais pour moi, ils sont partis de la même manière. C'était des jeunes de Nouakchott. C'était pas des jeunes qui avaient des voitures, des maisons à leur nom. Ils vivaient tout chacun chez les parents. Donc, je me dis ça. Donc, ils sont venus. Moi, le clip de Big Jazz, il est venu même pas à moi. Il a fait un clip, on voyait tous les trucs derrière. On dit, moi aussi, j'ai envie d'avoir ça. Yes, on continuera de parler de l'album Ride. Là, on se fait encore une pause. On va s'écouter le morceau En Famille, si donc, j'ai bien prononcé. Ouais, en famille, qui veut dire En Famille. Il est temps de comprendre, en fait. D'accord. Donc, pas amen en poulard, pas amen. Il est temps de comprendre quoi, hein? Il est temps de comprendre, les choses, voilà, les choses réelles, les choses en face. Faut pas fermer les yeux sur tout. Par exemple, pourquoi je dis en famille, c'est trois thèmes différents. Donc je pouvais pas mettre un thème, je pouvais pas dire mariage forcé, je pouvais pas dire immigration, parce que je parle en famille, c'est quoi? Ça parle de le premier couplet, ça parle de quand chez nous. Je sais pas s'il y a ça beaucoup chez les Alpolars, mais chez les Sonic, c'est comme ça. Si quelqu'un meurt, on fait une grande fête pendant une semaine. Même si la famille n'a pas d'argent, il va aller prêter de l'argent. Après que les gens sont partis, lui, là, il sera endetté. Ils vont faire la fête alors que dans la religion, c'est interdit. Donc, je dis en famille, il faut comprendre cette situation. Je les ai donné ce que moi, je connais. Je parle aussi que peut-être que tu es dans le... Excusez-moi si tu es dans ça aussi. Parce qu'un homme qui arrive en France et qui va laisser sa femme là-bas, soit disant, non, je ne vais pas amener ma femme ici parce que si les enfants... Quand mes enfants vont naître ici, ils vont être des bandits, ils ne vont pas réussir. Ça, c'est notre problème. Voilà, ils vont boire de l'alcool. Donc, je dis que ce n'est pas normal parce alors que la femme est là-bas en Afrique, elle souffre parce que moi, personnellement, en tant qu'homme, je ne peux pas supporter 2 mois sans ma femme. Et je ne comprends pas comment une femme peut supporter 3 ans sans son mari. OK. Donc, en famille, c'est parti. Voilà. Kota duane dokan kara orken sur mane kama opportuni oga seren kale mukura jojita bane suni top londi bane suni footin city mesa mande abgin kite abginta onda jofe kake fakan hadem reme mambe da hore son kona keti ilenda nkrene ke juga hore na ile sal hore gumbonin kala ti bin tengrini postron tengrimi tu fam ken diga men komi alam ke ko atona dag duwa bona on a une dota batu, durkoto baba na dak dua, makan tupumbora, durkoto mang na dak dua, makan futi wasa. Vous écoutez Limbe, Rime Croisée avec Youssef Kouma. Limbe, Kouma. Hey Taco, ketan kenti yagunu, ketan kenti simene, bakeriana kina, paike fransi, adasunya ngandanga, harangana haji, ayana njarana, kinkede, ngando yeli waludome, ma baker sarankama, ngando, haruna samba waludome, ma baker sarankama, angata kuyokumula, dakat modini, anatina kachembege, kenya posandanga, gandalana hambunodini, ankenka bakeri, anitako yehidi, hasusi kidange vale, anko sile, tongo andasunya tako, takuda katakuga do fumbe anken takukara minkere da modin turindi ni turindi yelo ku yoku ida ganto nyage ni walinke yelbe kuma te khaterin ken na tikti la c'est et rien pour rime croisée avec Limbe Kouma. Limbe Kouma. Limbe Kouma. Yo Khati, Khayan Kani ku responsable, mais moi je vous dis, vous êtes tous des irresponsables. Khaw khoti le Sengarini, anarisi comme la kigam location, qui n'a pas de honda dumbuni. En tout cas, situation surtout comme Ngenari, Dinya Desni partout, douche ni kou manyan tonya ni kon khatpai khan kon Allah. Allah. Limbe Kouma. Limbe Kouma. Limbe Kouma. Limbe Kouma. Limbe. Vous écoutez RMIinfo.com Rime Croisée avec Youssef Chaidi. RMIinfo.com, Rime Croisée avec Youssef Chaidi, toujours au mic en compagnie de Yimbi Kuma aka Jaspi Kuma. Alors là on parlait de l'album, donc on vient de s'écouter le morceau En Famille. Comment se construit un album? Difficilement, parce que surtout si on n'a pas une maison de disques, on n'a pas des soutiens, on n'est pas par exemple un chanteur Alpoulard ou un chanteur Sonique qui va chanter dans le mariage, qu'on lui donne beaucoup de lilas d'argent. Donc il faut travailler, payer ta maison, payer ta nourriture et après en plus payer les studios pour enregistrer un album. Mm-hmm. Donc très difficile. D'accord. Non, je parlais plutôt, quand je dis construction de l'album, je parlais plutôt dans le sens où, c'est-à-dire comme votre album s'appelle Ride, Nostalgie, est-ce qu'il y a le respect du thème? C'est-à-dire, quand on dit nostalgie, c'est-à-dire tous les titres abordés seront en rapport avec le thème global de l'album ou non, on a le libre choix de... Bon. Effectivement, moi, je ne parle pas globalement, je parle de moi-même, mes connaissances. Moi, je pense que ce n'est pas le jour où je ferai donner le titre, que le titre de mon album doit correspondre à tous les 10 titres de l'album, doit quand même rester dans le thème Ride. Non, moi, je n'ai pas vu ça comme ça parce que c'est que j'ai compris, je vois beaucoup de noms donnés aux albums et qui ne correspondent pas. Il y a d'autres thèmes quand même qui ne correspondent pas. Qui ne respecte pas, voilà. Et donc thème. Moi, je vous dis mon album, non. Ça le respecte pas. En tout cas, mon album. D'accord. Ride, c'est le titre, le premier titre de l'album. L'album s'appelle Ride et le premier titre après l'intro qui est Ride, voilà, qui représente... Nostalgie. Ouais, il n'y a qu'une chanson qui représente le titre de l'album. D'accord. Ouais. Vous parlez de l'Eldorado, de la féodalité, de l'esclavage... Ouais. Autant de thèmes, ça nous fait dire que c'est un album riche en thématiques. Expliquez-nous tout ça, le fait d'aborder tous ces thèmes. Ouais, en fait c'est des thèmes comme tu viens de dire, l'Eldorado, on en a parlé un peu, qu'un jeune Africain, quand on lui dit de ne pas venir en Europe, il ne va pas y croire, y compris moi. Moi, à chaque fois, je prends l'exemple sur moi-même. Je dis que avant de venir, juste il y a peut-être un an avant de venir, je voyais il y a une association malienne qui est ici, je ne sais pas, il est à Montréal ou quoi. Ils ont fait une vidéo soi-disant, ils ont pris des femmes qui galéraient, ils montraient des trucs. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la France, Ngarte. C'est tout. Qui veut dire hein? Si on est en Afrique, sous France, voilà, Ngarte. D'accord. Arteta, tu dis France, voilà, tu restes. Mais c'est vrai, donc moi-même j'avais ça, mais c'est lorsque je suis arrivé que je me suis rendu compte que c'est pas ça en fait. D'accord. Donc c'est à... Mais maintenant moi je fais rider, c'est de donner ce que dire ici, c'est difficile, mais il n'y a pas un moment j'ai dit ne venez pas, mais je dis qu'il y a ça, si vous venez il y a ça. En fait c'est un choix. Maintenant, pour moi, c'est de préparer les gens. Moi, peut-être qu'on ne m'avait pas préparé que si je viens, ça va être difficile. Mais moi, celui qui a été écouté Ride, Yimbi, tu n'as pas dit « viens pas hein. ». Mais il t'a dit que si tu viens, tu vas galérer, forcément. C'est ça qu'il t'a dit. Maintenant, quand tu n'écoutes pas, tu n'essayes pas, tu avais un bon projet en Mauritanie, tu le laisses pour venir en France, il faut savoir, quand tu écoutes Ride, tu vas dire « Yimbi avait raison ». Il m'avait dit ça, mais je ne l'ai pas écouté. Ah ouais, ouais. Et aussi, que si quelqu'un aussi... Il a un enfant ici, et que l'enfant ne lui envoie pas peut-être de l'argent, il peut savoir, ou bien ne l'appelle pas, ou bien que tu as un ami ici. Moi, je parlais que mes amis aussi, je ne peux pas les appeler parce que je parlais moins. Que les parents, je ne peux pas les appeler parce que je parlais moins de les appeler. Donc, qu'ils sachent qu'ici, c'est dur des fois, même si tu as envie, tu entends que tes parents sont à l'hôpital, subhanallah, malades, tu ne peux pas avoir de l'argent pour leur envoyer, tellement que ta situation est bizarre ici. Je ne peux pas les envoyer là. Et le thème de féodalité, oui. L'esclavage également, qui est répandu chez les Soninké. Si. Davantage, tout comme chez les Haratines en Mauritanie. Oui. Vous avez eu à écrire un article sur un de ces thèmes. Ouais. En fait, oui, j'ai écrit ça. D'ailleurs, ça me crée beaucoup de problèmes dans le milieu sonique que je chante ça, la féodalité, l'esclavage. En fait, eux, ils disent, ouais, ça n'existe pas parce que l'esclavage, c'est juste... L'esclavage n'existe pas en Mauritanie, c'est juste dans le milieu. Dans le milieu, non, Haratin. excusez-moi, j'ai un problème. C'est dans le milieu haratine que ça existe. Oui, si on parle l'esclavage, mais moi je leur dis une chose, l'esclavage qui existe dans le milieu haratine, l'esclavage que Biran ou Daoul Abeid est en train de lutter, c'est quelque chose que Martin Luther n'a pas connu. C'est quelque chose que Malcolm X n'a pas connu. Malcolm X n'a jamais pris un esclave dans les bras d'un blanc. Et Malcolm X ou Martin Luther King n'ont jamais fait ça. C'est que Martin Luther King et Malcolm X ont lutté, c'est les droits des Noirs. Donc, dans le milieu sonique, aujourd'hui, tu ne vas pas aller dans une famille sonique. Tu trouves qu'une femme ou un homme travaille force, mais c'est les droits. Okay. Celui qui était esclave, un descendant d'esclave, ne peut pas toujours se marier avec un descendant de féodaux. C'est impossible. Celui qui est esclave, même si tu as mis le Coran tu l'as répété 5 fois, et qu'il y a un soninké ici qui est descendant de femme maraboutique, même s'il n'a jamais été à. Il ne connaît pas écrire l'arabe. S'il y a les prières, celui qui se met devant, celui qui est descendant d'esclave, qui connaît, qui maîtrise le Coran. D'accord. En fait, est-ce que ce que vous dites dans vos morceaux, est-ce que réellement le public, en fait, ceux à qui vous adressez, écoutent réellement? Oui, c'est un truc que j'ai fait. Et puis, la manière dont je l'ai fait ici, je ne l'ai pas fait avec beaucoup de détails. Là, dans la chanson, j'ai chanté de la féodalité. Parce que pourquoi? Déjà, je l'ai partagé en deux parties. Une partie, c'était les féodaux qui représentent les soninkés dans l'État et d'accord, qui n'ont jamais rien fait pour déjà toute la région. Je parlais d'eux. Et en même temps, je parlais que pourquoi on dit qu'à chaque fois, on entend comment on parle, Gonen Gotum, ni. Je dis comment on peut être Gotum alors que y a le mensonge. Si moi, demain, je veux venir marier ta fille, tu me dis non, toi, tu es esclave. Moi, je veux être imam, non, toi, tu ne peux pas parce que tu es esclave. Comment on peut être Gotum dans ça? On ne peut pas être Gotum. Je dis, attendez, réfléchissez. Mais est-ce que vous parlez aux imams? Hein? Est-ce que vous parlez aux imams? Ben, les imams que je rencontre, j'en parle, ils disent que c'est normal parce que dans le milieu soninké, c'est un tout petit peu. Ils vont encore me détester parce que je veux dire, c'est du mafia. C'est que les castes des griots, là, on les appelle des Nyahamala et les marabouts, surtout, qui font ça, qui font ce système-là pour que ça reste. Donc le marabout, il ne veut pas sortir de sa mosquée parce que le marabout, même il y a des cotisations des villages, je vais le dire ici, après ils vont crier. De certains villages, les marabouts ne sortent pas de cotisations alors que les esclaves et les nobles, ils le sortent. Mais les marabouts, c'est des gens qui bouffent, qui mangent et ils ont tout facilement. Donc ils ne veulent pas sortir de cette mode de vie-là. D'accord. Voilà. Et autre thème de l'album, c'est-à-dire au-delà de la féodalité, de l'esclavage, l'Eldorado, il y a quoi d'autre comme... Parce que puisque l'album est composé en soniké, et du coup, on a du mal à comprendre. Par exemple, vous avez mis une chanson tout à l'heure, Hal Politicien du Kendu. Ça, c'est un message de dire que tous les politiciens mauritaniens, en général, mais mauritaniens, ils ne disent pas la vérité. Nous, à chaque fois, quand les élections s'approchent, je parlais de ça, ils viennent au cinquième, celui qui a plus d'argent, il vient, il donne... 2 kilos de riz à une famille, tu vas aller voter. Le jour de l'élection, moi je connais, moi-même j'en ai fait. Je pars, je ramasse tous les cartes de lecteurs de mes potes et tout, on est 200. On vient, on nous donne 1000 euros, 1000 ougas, 1000 ougas, 2000 ougas, on ne va pas voter parce que pour l'autre, c'est tout, pour nous empêcher de voter. Ou bien on vote pour toi. Si tu nous donnes, j'amène 200 dans le quartier de 5e, moi je vais réunir 500 cartes. Je dis à Ibrahim Mouhtar Sall, on va voter pour toi. Tu nous donnes 100 000 gars, c'est tout de suite que les billets arrivent. Donc, j'ai dénoncé ça, que ce n'est pas comme ça. Parce que je dis que ta carte de lecteur, ça compte, ça peut changer. Donc, arrêtons de faire ça. Mais la campagne en dehors de ça, en fait, c'est quoi le combat en tant qu'artiste, rappeur? C'est déjà un combat qui devrait être mené au quotidien. Ouais. Mais sauf que le plus souvent, on se rend compte qu'en Mauritanie, qu'on entend plus les rappeurs parler que quand il y a les élections, en fait. Non. Après, c'est fini. On ne les entend pratiquement pas. Il y a des rappeurs. Quelques sons. C'est-à-dire, il n'y a pas de campagne de sensibilisation. Oui, mais pour faire les campagnes aussi, c'est ça, les rappeurs, parce que le rap mauritanien n'avance pas. Moi, j'ai ma famille à nourrir, par exemple. Si je suis en Mauritanie, par exemple, je suis enseignant à l'école, ou je suis professeur, ou je suis soudeur, ou je suis ça. pour avoir ces campagnes qui disent, il faut que je laisse ça. Si je laisse être soudeur ou être menuisier, qui va aller nourrir ma famille demain pour aller faire campagne? C'est parce qu'on n'a pas su notre musique. L'État, le ministère de la Culture nous avait aidé pour que la musique puisse avancer. Moi, si je vends l'album, c'est protégé et tout, je peux gagner de l'argent. Maintenant, j'ai les moyens, je peux sortir, aller travailler, sensibiliser et tout. Mais si un artiste, tous les artistes modernes, que ça soit traditionnel, tout, traditionnel rappeur, on n'a pas les moyens. Donc, si tu te lèves le matin, la première des choses, au lieu de prendre, de faire tes répétitions de ta propre musique ou bien d'aider les autres, c'est d'aller travailler pour nourrir ta famille. C'est après travailler, après tout ça, que tu prends le petit temps, entre le soir, même si tu vas aller le soir ganguer, peut-être là, tu dis répéter un petit temps le soir avant d'aller dormir. Et après... Le rap mauritanien n'avance pas. Ok. J'ai parlé au début de l'émission. La question à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté à proposer quelque chose de solide, de costaud, pour que le ministère tutelle puisse vous accompagner? C'est-à-dire, la question des droits d'auteur, c'est quelque chose que les rappeurs doivent mettre sur place. En fait, il ne faut pas attendre que le ministre ou une autre structure le fasse. Ouais. Mais non, c'est plutôt à vous. Après, quand vous dites vous-même que le rap mauritanien n'avance pas, moi, ça me semble un peu, tu vois, comme je disais, un peu contradictoire. Pourquoi? Aujourd'hui, vous allez en Mauritanie aujourd'hui, vous leur proposez. Nous, on veut cette structure. Je vous explique, en fait, pour la question de droit d'auteur. Ouais. En fait, si il y a cette structure sur place, supposons que RMI Info, que nous sommes nous, si on fait passer un morceau de Yimbi Nkuma, c'est-à-dire qu'il y a un papier qu'on doit remplir. Ouais. C'est-à-dire, de telle heure à telle heure, okay, on a fait passer un morceau de Yimbi Nkuma et qu'on doit envoyer à cette structure. C'est-à-dire, à partir du moment où nous, on ne le fait pas et que toi, tu as écouté ton son sur notre radio et que tu appelles la structure, est-ce que RMI Info vous a envoyé un papier comme quoi qu'ils ont fait passer un morceau de Yimbi Nkuma? S'ils vous disent non, vous venez nous porter plainte. Mais ça, c'est pas au rappeur de le faire. Non, mais je vous explique, si c'est à vous de le faire. Après, si ça va aller en tribunal. Donc, si nous payons la caution, si nous payons la caution, c'est-à-dire l'argent, les 50% reviendront à Yimbi Nkuma, les 50% ce sera pour la structure. Donc là, à partir de ce moment-là, ça crée ça participe au développement de l'économie. Après, il n'y a pas aujourd'hui de structure solide en Mauritanie. Je finis, je vous donne la parole. Vous allez tout de suite à Nouakchott, en Mauritanie. Il n'y a pas un endroit où on peut aller pour se renseigner ou avoir de... C'est la politique, tout ça. Non, parce que pour ça, pour faire ça, il faut un départ. En fait, personne n'est pas percé. Pas un débat, si, mais... Non, pas un débat. Je vais aller un peu plus loin en vous donnant un exemple plus concret. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien en Europe comme rappeur mauritanien? On est une dizaine, peut-être. Plus, une dizaine. Moi, je peux compter une quarantaine, hein, rappeur mauritanien. Ok. Je vous assure. Ok. Un tout petit exemple. Supposons que chaque mois, un rappeur mauritanien mette 200 euros de côté. Ça n'a jamais existé de toute façon. Ça, 200 euros, la Mauritanie 200 sera euros pas la par première. Personne. Ouais. En une année, en 12 mois, ça fait combien? Vous imaginez? Ouais, mais pour 40 personnes. Ça c'est une organisation, mais donc, ça n'a jamais donc, été. Faut ça pas, n'a jamais, faut on va pas se faire dire ce que l'État devait faire. L'État. Oui, non, mais ce n'est pas à l'État le faire. Oui. C'est plutôt à vous non, de cette faire organisation. Cette démarche. Oui. En fait, cette somme que vous allez cotiser, vous pouvez en construire une salle de spectacle. Ouais. Cette salle de spectacle, elle sera louée par exemple par d'autres événements. Ouais. C'est-à-dire, tu as les écoles privées qui font souvent des journées culturelles. Donc, ils vont aller louer la salle des rappeurs. C'est une très bonne idée. Vous voyez, cet argent-là, vous pouvez le mettre de côté et construire quelque chose d'autre. Moi, j'en ai parlé à quelqu'un, je ne veux pas citer son nom, comme nous sommes à la radio, donc c'est un peu privé. J'en ai parlé à quelqu'un, tu vois, ils ont une structure, eux. Ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Après, tu t'imagines que il n'y a jamais eu de disque d'or dans le milieu rap mauritanien. Pas rap, musique mauritanienne. Non, on parle de rap. Ouais. Comme nous sommes sur une émission de rap, donc on va parler de rap. Ouais. Parce que les autres genres de musique, Jaguar et tout, ils arrivent quand même à faire de grosses scènes. Tel que Noura qui a fait, qui a partagé la scène, ou qui partage la scène avec, comment ça s'appelle, Pharrell Williams et entre autres. Donc après, il ne faut pas vous, que vous vous dites tout le temps que c'est de la faute de l'État. Non, moi je suis désolé. Mais si, mais oui. je suis désolé. Ouais, c'est. Donc voilà, là on va passer à notre rubrique 5 raisons. C'est-à-dire c'est simple, c'est un jeu. Je vais vous faire écouter des extraits et vous allez me donner le titre. Ou sinon, dans le cas contraire, le nom de l'artiste. Ah bon. Allez, let's go. On se retrouve juste après le jingle. Ça va être chaud, ça. Hop on this ride, all through this ride. Buckle your seatbelt, read the time. We kill the high, make the people fear. Can't give up hope, no, surfaces are real. Vous le connaissez? Ah non. Si vous partez dans... Moi, je sais pas, je écoute pas américain. Les non, rappeurs. C'est un rappeur mauritanien. Il en rigole. Il n'en croit pas ses yeux. C'est un rappeur mauritanien. Lui, là? Oh, ouais. En plus, vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu à Paris. Est-ce que vous pouvez le remettre encore une fois? Ah non, je connais pas, c'est la première fois que... Il est basé en Belgique. Il a fait le featuring avec Sizzla Kalanji. Vous voyez pas de qui je parle? C'est comme si... Non, je sais pas c'est qui. Vous l'avez vu sur scène il y a pas longtemps. Oui, c'est comme si que... Je vous donne des indices encore. Ouais. Non, c'est comme si que... C'est Dynamite. Ouais, il était au concert de CTD. Non, je le connais pas. Ah ouais? Ah non, je le connais pas. Mais c'est comme si que j'avais vu une chanson en Mauritanie qui a fait un truc avec Sizzla. C'est exactement lui. Ah oui, je le connais pas. Donc voilà, là vous avez perdu. On passe au son numéro 2. Je vais perdre, ça sûr. I don't know, je connais pas. Mais laissez quand même. Eh ben, c'est trop petit. I don't know. Il est toujours avec Sizzla, lui. C'est Kara du Carrefour Buzz. Mais vous ne l'avez pas laissé partir, Kara, je connais Kara. Si. Non. Le morceau s'appelle Gangster. Ouais, mais non, vous ne l'avez pas laissé partir, c'est ça. Mais je connais. En fait, Kara, je ne le connais pas. Ce n'est pas un rappeur qui est connu en Mauritanie, de toute façon, Kara. Il est venu après moi. Il n'est pas très connu, mais je connais. Il a fait deux sons avec Farouk. Vous connaissez Farouk? Je l'entends parler de lui. Ouais, Farouk, moi, et on avait fait beaucoup de sons. Donc, Farouk m'a envoyé les sons, j'ai les sons avec moi. Donc, je connais Kara. D'accord. Mais bon, je ne connais pas ces chansons, mais Kara, il n'est pas... Tous ces deux chansons, ces deux artistes, ils ne sont pas trop connus en Mauritanie. Kara, je pense qu'actuellement, il arrive à se faire un nom. Donc voilà, ça, c'est le premier clip qu'il avait mis sur la toile. Ouais. Il y a eu un deuxième. Ah, mais comme donc, ça, c'est petit. Mais moi, c'est le premier couplet. Non, je vais tout perdre, c'est sûr. Deux couplets, ça fait long. On passe au son numéro 3. Oh, Advice. Non, c'est pas Advisor. C'est un collectif. Ils sont trois. Non. Ils ont sorti un maxi album. En fait, un DVD. Je connais, c'est Darman Pro. C'est Darman. Defralis. Oui, c'est Darman, Darman Defralis. Ils sont trois en fait. Là, mais il y a Babisco, il y a Darman. Darman, il a exactement. Tout fait devant le cinquième. Exactement, Babisco, Darman et. Ben, je connais Darman depuis qu'il n'était rien, et tout petit. Oublié, je connais très bien. Oui, c'est Darman, Darman, oui. Voilà. Ah oui, oui, je connais Darman très. Il a tout commencé avant de commencer à chanter, avant de commencer à faire les vidéos et tout. D'ailleurs, la vidéo, commencer à faire une vidéo, il l'a fait avec ma caméscope. Il a commencé la première fois. Ok, on passe au son numéro 4. Vous voyez pas? Non. Une Sonic? Non, aux États-Unis. C'est un indice que je vous donne. Oh. Il vit aux États-Unis. Je ne le connais pas. Il a sorti un album il y a pas longtemps. Un épée, on va dire. Je connais un gars qui est aux États-Unis. Un Soniké. Je vous donne des indices. Non, je ne connais pas. Un Soniké, gars, je ne connais pas. Je vous donne la première lettre. N. Je ne le connais pas. Nima Vision. Jamais entendu. Vous ne connaissez pas? Non. Ah ouais? Non, c'est la première fois. Il cartonne en ce moment. Au niveau États-Unis ou bien... Même au niveau, tu vois, le public mauritanien, en tout cas, le. Ah ouais? Le connaît. Ah, moi, je. Je suis pas dans le milieu de la musique, moi, donc hein, je connais pas tout ça. 4 de perdu. On passe au dernier, le cinquième. Dream or mood. Soko Easy. Ouais, c'est bon. Soko Easy. Soko Easy. Claire. Une réponse sur 5. 2. Non, je suis pas d'accord. T'as mal, j'ai trouvé. Vous avez pris qui est le gars de Belgique? Dynamike. Oui, lui, peut-être qu'il est connu, mais c'est un il est européen, lui. Kara, il n'est pas connu. Peut-être actuellement, il est connu. Moi, je suis plus en Mauritanie. Ah bah, c'est justement ça le but de la rubrique. De faire connaître les nouveaux. Voilà, faire connaître ces talents-là. C'est-à-dire des mecs qu'on ne connaît pas, que les gens ne mettent pas en avant le plus souvent. Non, c'est. Et c'est ça l'initiative ou le concept. Donc là, en général, nous sommes. Vraiment dans le concept de l'émission Rime Croisée, c'est-à-dire à partir de cette rubrique Rime Croisée, qui signifie Rime Croisée, R-I-M, comme vous l'entendez, avec le petit T. On a fait le tour de, on va dire, du monde. Aux États-Unis avec Nima Vision, en Belgique avec Dynamike, à Nouakchott avec Kara, et nous sommes à Paris, donc ça fait le tour. Rime Croisée, c'est exactement ça. Ouais. Donc là, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Il y a juste deux choses, en fait. Avant de se quitter, vous allez nous faire un a cappella. La tournée. Vous allez nous faire On n'a pas fini avec l'album. Exactement, j'allais en venir. Je disais tantôt que l'album vous a ouvert des portes. Ouais. C'est-à-dire de grandes portes, on va dire. Non, pas des grandes portes. Bah oui, je ne suis pas encore dedans. vous avez quand même gagné un concours. C'est-à-dire vous faites partie des 10 premiers, gagnants du concours Est-Africain. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concours. Ouais, le concours Star Africa, ça, même cette année, actuellement, ça continue. D'ailleurs, celui qui avait gagné le prix du jury du concours, Mirama Fall. Peux pas dire tellement. Et c'est elle qui a gagné en même temps le prix découvert de RFI. Donc, cela veut dire que c'est un grand concours quand même. Donc, j'ai participé dans ça et les Mauritaniens ont voté pour moi. Et ce concours m'a permis de signer avec un label indépendant. Voilà. Qui est en train de distribuer l'album sur toutes les plateformes de téléchargement aujourd'hui. Et qui distribuera les deux prochains albums de Mbikouma également. Qui vont venir, ouais. Donc là, ça c'est des portes, c'est quand même quelque chose. Franchement, ça va. Par exemple, aujourd'hui, si vous partez, j'ai eu un compte certifié sur Deezer. Mm-hmm. Donc si vous tapez, vous allez voir tout. Et d'accord. Pas, voilà. Autre chose, là, vous avez communiqué sur votre page, sur votre compte Facebook, comme quoi que vous allez faire une tournée. Vous pouvez aussi là nous développer, c'est-à-dire une tournée qui se fera après le Ramadan. Ouais, en fait, comme l'album est sorti, je fais pas comme font tout le temps les autres, en fait, par manque de moyens ou manque de temps. En fait, normalement, quand un album ça sort, tout de suite on va en tournée, Mais moi, comme j'avais pas le temps, l'album il est sorti. Le moment où l'album est sorti, j'ai pas assez de moyens pour partir en tournée. Donc parce que je venais juste d'arriver de la Mauritanie. Donc j'ai décidé quand même, on dit, mieux vaut tard que jamais. Jamais. Donc je me suis dit après le mois de Ramadan, je vais amener l'album. Comme les gens, c'est sorti ici en France par un petit truc. C'est là-bas sur le label indépendant, c'est virtuel. En fait, c'est pas virtuel, mais c'est digital. Il le distribue en format digital. Mais en physique, l'album physique, c'est sorti avec Qualitex Productions qui le vend. Donc ici, les gens qui sont en Afrique n'ont pas le moyen de l'acheter ou de l'avoir. Donc maintenant, moi, je vais dupliquer plusieurs albums, peut-être 2 à 3 000. Il ne faut pas faire beaucoup, beaucoup plus. Et je vais aller maintenant. Je vais faire des concerts là-bas. Comme à Nouakchott, je ne peux pas jouer à Nouakchott pour le moment, pour au nom de l'album, parce qu'à Nouakchott, je n'ai pas un grand public. Mais je sais que dans les régions, j'ai un public là-bas, je vais aller dans les régions. Et quand je reviens encore, pour la deuxième album, là, je vais essayer d'essayer de voir si je pourrais m'imposer à Nouakchott. Ok. Je crois qu'on a fait le tour de votre carrière ou de votre parcours. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou... Bon, je pense que, comme tu as dit, on a tout dit. Ce qui était surtout plus important pour moi, c'est de parler de l'album. Et on a dit tout ce qui était important dans l'album. Donc voilà, je pense que le nécessaire a été dit. Toujours des fois, on n'a pas tout de suite les mots, on oublie parce que voilà. Donc c'est ça. Ce que je vais ajouter, c'est que je vous remercie. Franchement, ça a été un plaisir d'être contacté par toi. Tu m'as parlé de ça et c'était un plaisir. À chaque fois que... ton pays s'intéresse à toi. Mmh. En fait, là, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui est venu parce que vous avez fait des recherches et vous m'avez connu, je ne sais pas sur quel moyen. Ça, c'est une fierté. Je me suis dit qu'il y a des gens qui s'intéressent à moi. Moi, je me suis dit, c'est ça, j'ai un truc qui est dans ma tête tout le temps. Je me suis dit qu'aujourd'hui, moi, je me suis engagé depuis beaucoup d'années, depuis Célibabi. Suis engagé à être fier et décomplexé sur ça, de dire que moi, je suis un rappeur soninké. Et à toujours, je veux donner une explication à Mauritanie. Ce n'est pas parce que je suis un rappeur soninké que je ne suis pas mauritanien. D'ailleurs, le concours Star Africa, je vis beaucoup de Mauritaniens qui étaient à Alpula, qui disaient que non, on ne va pas voter pour lui parce que, qu'on raciste, qu'on nie. C'est d'ailleurs la première fois que moi, je vois autant de Mauritaniens donner de la force à un frère. Oui. En général, les gens ne le font pas. Oui, ils ne le font. Mais certains l'ont fait, mais il y en a aussi qui ont dit ça, qui ont dit non. Mais la majorité, quand on parle du classement, c'est-à-dire... Oui, du classement, je peux dire, je ne le cache pas, que les Halpoulars, les autres... Non, on va dire les Mauritaniens. Oui. Parce que quand vous dites les Halpoulars, les Wolofs sont exclus. Oui, non, je veux dire que... Les Maures également. C'est ça que je voulais... Non, c'est ça que je voulais dire au début. Je voulais dire que moi, en fait, j'ai pris un combat. C'est pas parce que je suis mauritanien, mais je fais plus soninké. Mais cela ne veut pas dire que j'aime pas les pôles, les trucs. Donc, mais sur ça, les Halpoulars, tellement que moi, je ne rappe pas en Halpoulars, ni en Wolof et en Hassania. Mais les Hassania, les pôles, ils ont voté pour moi plus que les soninké. Ok. Vous allez me faire un freestyle. Donc, freestyle flow ou a cappella. C'est comme vous voulez. là où vous sentez à l'aise. Ensuite, on se quittera avec le morceau Andou en featuring avec Lassana Hawa, c'est ça? Ah oui, oui, en featuring avec donc Lassana. Donc voilà, on va clôturer l'émission avec ouais. ça. Mais en attendant, moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre, parce que nous serons en vacances. Comme nous sommes en France, donc voilà, c'est normal. On se retrouve là, on se retrouvera. Je vais y arriver, je pense. On se retrouve dès le mois de septembre pour de nouvelles choses, une émission beaucoup plus constante. N'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions, vos critiques, elles sont les bienvenues. L'émission sera tout de suite mis sur la page, c'est-à-dire dans un quart d'heure sur la page Facebook Rime Croisée. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube avec la chaîne Regarde d'ailleurs. Uh-huh. On vous laisse avec Yimbin Kuma pour son freestyle. Bon, voilà, avant de faire le freestyle, je vais dire quand même, moi d'habitude, j'aime pas les mots comme ça, que de dire mes fans. J'aime pas utiliser le mot, d'habitude, je dis que les fans du hip-hop mauritanien. Parce que nous sommes tous mauritaniens, nous sommes des artistes. Je pense que les fans en général qui vont être derrière Advice, les mêmes qui vont être derrière PA, derrière Diamanteki, en général. Donc moi je dis que peut-être que certains aussi sont derrière moi. Donc je dirais que je donne un big dédicace à tous les fans du hip-hop mauritanien, à tous ceux qui sont derrière les rappeurs mauritaniens, y compris vous, les journalistes, les médias, tout. Big dédicace à vous et je vais faire un petit truc. Bon, comme ça, peut-être je ne vais un pas... Un big box, si vous ouais, voulez. Ouais, ouais, ouais. Kouma Darjante, Feti Djambante, Djasante, Moulo Moulina, Magdayan Kamarunte, Angadou Djalinte, Duna Soukran la Garante, Kenyan Tseng Nyasar Halkinte, Angatren Khokhajinte, Anyanginda Khonne, Artunantin Feti fonne sur te kenka ane l'emporte monnaie anga ko kuto be ke du bagane kenya si ala no scara pane anga ko ko fune gri pa kenya ko kane anaro do gunne ko kanjane dur fa la ganya ko no sogo kenya tan nya ngol lemme fo fon talon kille ma ke guma lemme ken ko dal lan til do me fetam fa renne dak dam me lemme nam xallo kumne ak lan fo bak me andam gomme tan dal terin kan na ma da kumme yes yes Rime Croisée, épisode numéro 1 est terminé. Le podcast sera disponible dans un quart d'heure sur la page Facebook Rime Croisée et sur la chaîne YouTube Regarde d'ailleurs. On se capte à la rentrée. Gasoni ke suguno ket worini ket nyangini maduna su gana giri ndanda soni kalme me be su gairang ni trindi mar khadan tungen sugun soni kan khane ya tanda ibya kun wali la tanda khado soni ke la tel dome mandi kenya koni kenya ken swa kit khaya khinke yimbi kuma ndilegna ko i khaya tiya bu ngi khane sugun kamu maduna su gana muku nyani imbi kuma ngasi khakama ngindika mu sede katsoni kalo mupeni gandungen sugun soni kankhane yan siki soni kankhane to ri falle soni kara pungom gilo adam dinko adam pora groho khinke imbi kuma lek minge dikondi natelo no mak chelo ku soni kalo musuyere damba sutiya wandu khane sie falle ku gol fo sugu kuna fulle sugu ku gom fulle sugu kuna français sugu soni kankhane itkatine tsere angir khane be sugu ngama sugu kon ken sugu nan janga ken ku haro suna kefi ono soni kankhane sukamu Matuna sukuna sukdo bate natna tsoni kankhane how do how do how do Rime croisée avec Youssouf Chahid. Yo, dike morso kini asa gandega aga saka jogun choro ado josa igati nada sa jojara bambara duku. Yo, last enough how I fancy ni muma. Last enough how I got you my mori and I'm fancy ni su. Orike morso kini sonin kara dama. Yo, rap sonin ke. Music traditionnel sonin ke. Osu yan sa refabe. Osu fankene ma sonin kara hotel le kane. Yeah.